FrenchPod.com. Ah, les vacances, la plage, le soleil, le ciel bleu. Où allons-nous en vacances cet été ? À la mer, comme d'habitude. Pourquoi ne pas aller à la montagne pour changer ? On peut faire les deux si tu veux. Bonne idée, on a un mois après tout.